Vraiment. Bon, ben moumala ak ben waju deur quoi légui bon mouma bi di dox ba ci yag mbeukenté ak waju deur ci bon bi mbeukenté ak mom légui tombé waji dafa ñambalé won quoi dafa bëggona dem bus légui mu ngi japp ginaaw gi quoi mouma bi daané waju deur ci soy ouñi ouvé bon légui bimu ko waxé lol ku deur ki war ko tontu mom tamit xam nga tontu bi mom itam comme niko ko waji joxé rek non la koy délo du mëna gaaw waji né ko o démé ah nga jadd fu meer bu guddu boobu bo jaddaate foofu ci ginnaaw foofu tik boobu batima boobu foofu la ñu uube waaji ne ko doy na uub naa sama tuba yoo pare foofu laa tàggoo man.